Camille. D'abord, je vous prie de m'excuser d'être arrivée en retard. Je ne sais pas s'il y a d'autres interventions. Cette affaire de Blois m'intéresse beaucoup parce que, bien entendu, j'ai sur les listes vu de quoi il retournait. Je suis assez signataire de pétition. Je n'ai pas pour habitude de ne pas risquer à m'engager et mes risques d'engagement m'ont coûté très très cher. Simplement, je veux dire pourquoi il y a des historiens que vous n'avez pas eus. Bien sûr. Je ne dirais pas que mon cas est général parce que je suis assez isolé, mais je pense que finalement il y a quand même des gens qui, sans être notoires pour ce genre de position, ne doivent pas être très éloignés. Puis vous avez évoqué d'ailleurs la catégorie des gens qui se sont dit qu'il était parfaitement illusoire de signer à l'occasion du choix du plus réactionnaire de cette espèce de ce que j'ai l'habitude d'appeler en termes historiques de la sous-synarchie, c'est-à-dire de ces intellectuels qui sont recrutés de différentes manières par quelque chose que vous avez évoqué tout à l'heure quand vous avez parlé du risque, c'est-à-dire de gens à ma foi, qui font carrière parce que depuis l'époque du succès, du grand succès de Furet, il est bon de penser comme Furet que le monde étant comme il doit être et devant le demeurer ad vitam aeternam, tout dissident est soit un fou, soit un stalinien, soit enfin bref. Or, depuis la naissance de Blois, ça a fonctionné comme ça. Moi, je ne voulais pas écrire aux initiateurs en leur disant « Écoutez, c'est tellement naïf que vraiment, je ne peux pas, mais il faut bien que vous compreniez qu'il y a des gens qui n'ont pas dû signer à cause de ça. Hein. » moi, je le pense. En tout cas, moi, c'était ma position. Hein. Et d'ailleurs, la manière dont les médias vous ont traité est tout à fait significative. Moi, je dirais qu'en plus, il y a quelque chose qui, je veux dire, cet homme est très réactionnaire, est en particulier très réactionnaire sur le plan des mœurs. Mais il y a une espèce d'illusion sur le fait d'être progressiste, parce qu'on a des positions progressistes en matière de mœurs, qui me gênait aussi, s'il faut attaquer Gaucher et ces gens qui passent leur temps à nous dire que nous vivons dans le bon monde, et qu'il ne faut pas sortir de ce bon monde, ça n'est pas seulement pour des questions de mœurs. Et si vous voulez, il y a cet esprit, moi j'ai été, si je puis dire, 68ard, mais pas 68ard gauchiste. L'esprit 68ard gauchiste, il y a ce qui fait les choux gras de moi, ce que j'appelle la presse de la gauche américaine, en particulier Libération, qui a d'ailleurs beaucoup de lecteurs de très bonne foi, qui se pensent de gauche, très à gauche, mais finalement dont la gauche ne va pas au-delà de la définition. Est-ce que tu es pour le mariage homosexuel? Est-ce que finalement, je vais donner un exemple. Je vais donner un exemple parce qu'il se trouve que je suis une historienne qui pense que les rapports sociaux sont déterminants, toujours en déterminants en dernière instance. Gaucher, finalement, c'est aussi dangereux que Jeannette Vermeersch-Thorez qui était contre la contraception. Or, moi, je pense que ce qui est en cause, c'est le rôle des intellectuels, mais un rôle plus global, et en particulier un rôle plus global qui a été parfaitement bien analysé par Diana Pinto quand en 1985 elle a fait peut-être d'ailleurs on peut à moins que vous ne souhaitiez faire une discussion, mais on peut peut-être faire une discussion groupée sur nos deux interventions si vous en êtes d'accord. Quand elle a dit qu'elle avait observé les manuels du secondaire dans un numéro spécial d'historien et géographe et qu'elle avait été littéralement estomaquée par la transformation qui s'était opérée dans l'historiographie normative, enfin dans l'histoire du secondaire, en lisant les manuels de 1985, puisqu'elle s'était aperçue à cette occasion que, grosso modo, tous les modèles tirés de 1945, de la résistance à la crise, de la résistance à l'occupant, tous ces modèles s'étaient effondrés et que des intellectuels fabricants des manuels qui, grosso modo, avant 1985, partaient du principe qu'il y avait un impérialisme qui n'était quand même pas tendre et contre lequel ils avaient passé une partie de leur vie à lutter, soit directement, soit par l'intellect seulement, que ces gens étaient passés une vision complètement différente. C'était épouvantablement riganisé et qu'on était désormais à une vision qui consistait à montrer que le camp de la liberté, c'était les États-Unis, que le camp du mal, de l'horreur, c'était les Soviets, et que, par conséquent, il fallait refaire tous les manuels d'histoire, parce que, faisait observer Diana Pinto, finalement, à partir de 1945, les fabricants de manuels n'étaient pas fondamentalement anti-russes, et n'étaient pas fondamentalement pro-américains, au sens, bien sûr, d'État américain. Alors, voilà, moi, si vous voulez, je me bats, il se trouve que j'ai évoqué une affaire que j'estime évidemment significative du sort qui est fait à la pensée critique, c'est-à-dire à la pensée qui consiste à dire, finalement, ce que j'ai toujours dit à mes étudiants en les mettant dans l'embarras. Je leur ai toujours dit, ce qu'ils n'ont jamais fait, parce que les étudiants ne le font jamais. Je leur ai dit, écoutez, je vous fais un cours avec lequel vous avez probablement des gros désaccords. Je vous demande une chose. Ne me croyez pas sur parole. Vérifiez. Vous êtes en train de faire des études d'histoire, c'est-à-dire que normalement, vous allez être fabricant d'histoire. Et pour fabriquer l'histoire, il faut partir de matériaux bruts, construire soi-même, être dans ce processus de construction obligé de vous frotter avec ceux qui ont travaillé sur la question au retour avant vous, et par conséquent, c'est un processus permanent de destruction. Et vous n'avez pas le droit de faire de l'histoire en prenant les uns, en évacuant les autres. On vous demande de ne pas nous croire. Faites ça systématiquement. Moi, j'estime que la démarche critique, c'est de ne pas croire a priori. Bon. Évidemment, les étudiants ne le font pas, parce que ça a été évoqué tout à l'heure. Les étudiants disent « j'ai le cours du prof ». Bon. Comme ils ont le cours du prof, et que le cours du prof doit être le critère de l'attribution de la bonne note, discours que j'ai suriné pendant les 26 ans d'enseignement supérieur que j'ai assuré, là, je pense, servit à rien. Mais je pense que finalement, faire preuve d'esprit critique, c'est analyser, essayer d'analyser, quand on est historien, ma collègue l'a dit tout à l'heure, la manière dont les choses se sont passées. Se sont-elles passées? Comment se sont-elles passées? Pourquoi se sont-elles passées? Et il me semble qu'à partir de là, quand on permettait à l'enseignement, dans le cadre du statut de la fonction publique de 1946, qui assurait une très grande liberté intellectuelle, dans ce cadre, en effet, les enseignants qui n'étaient pas soumis au contrôle tatillon de Laurence nous parle aujourd'hui, et qui, je le sais, j'ai deux enfants qui sont professeurs dans le secondaire, sur la base, évidemment, de conquêtes sociales, etc., on avait atteint un niveau d'indépendance intellectuelle qui était très grand. Je le dis parce que moi, qui étais un tel chiffon rouge à l'université, qui le demeure, enfin bon, là pas parce que je n'existe plus du tout, mais moi qui étais un grand chiffon rouge, je n'ai jamais eu d'ennui dans une banlieue plutôt bourgeoise, quand j'étais professeur du secondaire, pendant 13 ans à Asnières, jamais. Et pourtant, j'ai dit à mes élèves des choses qu'ils n'avaient jamais entendues et que s'ils les ont rapportées à leurs parents, ma foi, il est possible de croire que leurs parents aient éprouvé une certaine surprise. Mais jamais. Et j'impute cela, non seulement, bien entendu, comme n'importe quel enseignant chercheur, j'étais déjà chercheuse, puisque j'étais chercheuse dans le secondaire et que j'y préparais ma thèse d'État, j'impute cela à ce respect qui a caractérisé l'époque où j'ai eu la chance d'enseigner dans le secondaire, de 1972 à 1985, qui était de la part des parents un respect de la liberté intellectuelle. Et je le répète, Asnières, c'est pas Nanterre, hein, c'était déjà très bourgeois à l'époque, le lycée était dans un coin plutôt bourgeois, et par conséquent, le statut même du personnel est un élément majeur. Tout le monde fait remarquer et le développe et l'explicite à quel point la précarisation des personnels, l'attaque du statut de la fonction publique, attaque du statut de la fonction publique qui, dans notre monde, est une attaque directe contre cette capacité de dire non. Quelqu'un d'important vous dit ça? Non. Vous avez entendu ça hier à la télévision? Ce que je disais à mes élèves du secondaire quand je leur présentais la Première Guerre mondiale et que je leur présentais le bourrage de crâne et que je les faisais rigoler et que je leur disais « Ah bon, vous trouvez ça drôle ?» Et ce que vous entendez tous les jours, là, vous exercez votre esprit critique sur l'affaire. Vous pensez qu'on ne vous refait plus le coup, qu'on n'a pas refait le coup avec la deuxième? Non, vous êtes sûr? Bon. Tout ceci, c'était l'acquis des luttes sociales et c'était l'acquis de ce fameux statut de la fonction publique qui est aujourd'hui en sursis. Et je le dis parce que, voilà, on est confronté à une situation très difficile. C'est pas Sarkozy tout seul, hein. C'est ce qui fait que le grand capital est chez nous, je dirais comme dans le quasi la totalité du monde, en situation d'hégémonie, et qu'il est en situation d'hégémonie chez nous parce que le mouvement de défense sociale s'est effondré dans des conditions évidemment qui iraient au-delà du temps imparti. C'est dans ces conditions qu'il est devenu impossible de faire de l'histoire critique quand elle met en cause le grand capital. Je m'obstine depuis quelques décennies à appeler ce que j'appelle appeler un chat un chat, c'est-à-dire à dire que le capital très concentré, ça s'appelle le grand capital, enfin vous voyez, toutes sortes de vieilleries que je trouve finalement avoir les joues roses, très roses même. Et il se trouve que, ayant d'abord travaillé sur le mouvement ouvrier, j'ai travaillé ensuite sur le grand capital. C'est normal, hein, quand on étudie les luttes sociales, c'est tellement plus important de voir ceux qui dominent, enfin de mesurer la différence entre ceux qui dominent et ceux qui sont dominés. Or, ça n'est pas de chance, et nous voilà au cœur de la conjoncture. Depuis les années 1990, tout le monde l'a dit ici, depuis 20 ans, c'est calamiteux, nous assistons à un triomphe extraordinaire de ce que j'ai appelé, parce que j'ai ce vieux vocabulaire, l'extrême droitisation du corps, sur fond d'hégémonie du capital financier, c'est-à-dire d'une situation, ça arrive dans l'histoire quand les mouvements de défense des salariés, des petits, des sans-grades, lorsque ces moyens s'effondrent. Ceux d'en face, eux, ont tous les moyens. Et ce qui est nouveau, d'ailleurs, du point de vue intellectuel, ça n'est pas du tout l'extraordinaire propagande de ce camp dominant ou de ce camp hégémonique, c'est qu'elle ne se heurte plus à rien et qu'en matière d'enseignement, ça a des conséquences gravissimes, dramatiques, y compris bien entendu sur les contenus, car comment voulez-vous ne pas attaquer les contenus quand l'histoire est par exemple en mesure de montrer ce que donne une crise systémique du capital? L'exemple des années 1930, comme l'exemple d'ailleurs de 1873-1914, les exemples des crises systémiques, montrent des constantes. Ces constantes, bien entendu, posent problème aujourd'hui. Alors je sais bien, ça a été évoqué tout à l'heure, et en plus de manière tout à fait pertinente, parce que quand Laurence dit, ben voilà, moi je suis confronté à des gamins qui disent, bon, est-ce qu'on les a tués ces 6 millions de juifs ou est-ce qu'on les a pas tués? Bon, c'est un pan d'histoire, ça n'est qu'un pan d'histoire, l'esprit critique s'apporte sur la question de savoir si ce que j'entends tous les soirs à la télé, ça correspond à la situation ou si ça ne correspond pas à la situation. Parce que c'est ça notre travail d'esprit critique, c'est ça la fabrication de l'histoire. Hein. C'est s'apercevoir que les archives expliquent strictement le contraire de ce que toutes les populations ont cru pendant, pas à tous les égards d'ailleurs, parce que sur les 6 millions de juifs, on est tous d'accord, la démonstration a été faite, donc ça n'est pas une question discutable pour des raisons scientifiques démontrées. Par contre, je vais juste montrer, parce que bien sûr on n'a pas beaucoup de temps, je vais montrer le hiatus entre finalement ce que nous pourrions faire et ce que nous pouvons faire. Il se trouve que moi qui aime bien les sujets, je ne sais pas si j'aime les sujets chauds, je crois quand on a l'esprit critique n'importe quel sujet est chaud. Bon. Mais, ou quand on n'est pas, je pense qu'il n'y a pas de terrain protégé. Mais c'est vrai que le terrain du grand capital ouvert, c'est quand même pas un terrain très protégé, en particulier par temps de tempête, et en particulier donc dans le cadre des crises et des guerres. Et ce que je mesure, c'est à quel point nous sommes en situation de hiatus entre ce qui s'est passé depuis les années 1970, c'est-à-dire, finalement, une situation qui, même en France, du point de vue des archives, a fini par se débloquer. Sonia Combes, dans son ouvrage « Archives interdites », qui a fait tant de remous, et il faut dire d'ailleurs tant de remous légitimes, faisait l'analyse qu'on ne donnait pas les archives, on ne communiquait pas les archives aux historiens dissidents malpensants, ni aux citoyens. On ne communiquait les archives et les bonnes archives qu'aux historiens bien pensants, à ce qu'elle appelait les historiens raisonnables. Or ça, c'est une analyse qu'elle a faite en 1994. C'est une analyse qui en 1994 devenait en partie inexacte ou n'était que partiellement exacte. Car, et je vais vous donner l'exemple que j'ai choisi aujourd'hui et qui a donné à Michel Barthélémy l'occasion de me dire « venez nous raconter ». Il se trouve donc que j'ai travaillé beaucoup sur la Deuxième Guerre mondiale et que j'ai bénéficié dans les années 1990, comme tous les collègues qui travaillent sur la question, peuvent le faire, j'ai bénéficié d'ouvertures de fonds. Il faut se rappeler ce que la situation de la sortie du livre en 1973 de Robert Paxton. Il fait l'histoire de Vichy avec des archives exclusivement non françaises. Parce que, comme l'a expliqué César quand je suis allé dans son bureau dans le cadre de ma thèse d'état en 1976, parce que vous comprenez bien que, étant donné ce qui s'est passé après 1939, on ne peut pas ouvrir les archives. Y a trop de gens importants qui ont fait ceci, qui ont fait cela. On ne peut pas, en particulier, d'ailleurs, il faut vous le dire, Mathilde dit, mais je m'en doutais un peu, qui ont tellement dénoncé de communistes en 1939 que ça, on ne peut pas faire. Donc, zéro archive française. Il n'a travaillé que sur les archives allemandes confisquées par les Américains et portées à Washington. À partir des années 80, ça s'est un peu débloqué. Mais ça s'est débloqué de la manière qu'évoquait Sonia Combes, puisque Sonia Combes disait, finalement, il n'y a que les historiens labellisés ou agréés qui se font communiquer les fonds. Personnellement, j'ai commencé l'histoire de la non-épuration bancaire et de la collaboration bancaire avec un colloque de 1983 pour lequel nous avons eu des autorisations nominatives, exclusivement nominatives. Mais à partir des années 90, et notamment à partir du brûlot de Sonia Combes, les archives se sont ouvertes. Seulement, le problème est immédiatement apparu. Les archives se sont ouvertes quand on ne pouvait plus aller les regarder. Et pourquoi ne pouvait-on plus aller les regarder ? Parce que, figurez-vous, compte tenu de la conjoncture, l'historien était devenu systématiquement bien-pensant. Il était devenu tellement bien-pensant qu'il n'était plus question, ce qui est fâcheux en économie, plus question d'aller seulement regarder comment les classes dirigeantes organisent le processus de l'exploitation, comment elles dominent la vie sociale. Et je vais vous donner à cet égard un exemple. En 1954, deux chartistes très distingués, lorrains de surcroît, ce qui donnait une garantie supplémentaire, se font solliciter par les frères de François de Vindel pour faire la biographie de François Desfins. Plein de talent, fort réactionnaire, mais chartiste tout de même. Ils commencent à compulser les quelques archives qu'on veut bien leur égrener. Ils s'aperçoivent que l'État arrose le François de Vindel, la société de François de Vindel et petit-fils, François de Vindel et petit-fils, autrement dit, le contribuable finance entièrement le patronat privé, le grand patronat privé. Il s'aperçoit d'autres horreurs, comme une absence d'investissement à Jeuf, enfin tout ça, vous voyez, une des usines lorraines des Vindel. Et les Vindel commencent à chipoter, et à dire, les Vindel survivants, et à dire que ça ne peut pas se faire comme ça. Vous savez comment ça s'est terminé ? Ça s'est terminé parce qu'ils avaient un bon contrat, et un contrat en bonne et due forme, très bien rémunéré, par une casse du contrat, et puis par le recours à Pierre Gaxotte. Je pense que vous voyez de qui voilà, je parle. Et alors, moi, vous savez qui dit qu'il y a un fascisme français, pas des républicains musclés, un fascisme français, un vrai, un bon. Un vrai de vrai. Eh bien, moi, je dis que Gaxotte fait partie des fascistes français, des fascistes français dont aucun, je dois vous le dire, et d'ailleurs, mon prochain livre donnera quelques détails, dont aucun, je dirais, n'a fait collaboration que de mots. La collaboration pendant la guerre, ça tue. Et ça tue non seulement par pratique directe, par exercice direct, mais ça tue par délation systématique. Il n'est pas parti, 75 000 juifs, ne sont pas partis ou n'ont pas été déportés, tués, etc. Finalement, une quantité qui fait à peu près 300 000 personnes en France, sans que il y ait eu des complicités, et des complicités au plus haut niveau, et en particulier à ce niveau global, total, qu'est le gouvernement de Vichy, Vichy et l'ensemble des forces structurant Vichy, et en particulier, je dois le dire, ces gens dont on ne parle pas, bon, c'est vrai qu'il y a une Mitterrand dedans, mais les 2500 membres de la Francisque, qui n'ont pas eu la Francisque pour rien, qui sont à peu près tous d'anciens cagoulards ou d'anciens synarques, et je peux vous dire qu'ils ont eu une activité sous l'occupation qui est mais invraisemblable, incroyable. J'étais en train hier de rédiger mon paragraphe sur Bernard Faye, qui en 1970 disait que l'université était pourrie par le marxisme, mais si vous voulez, qui était agent de la Gestapo, qui dénonçait tous les jours, qui a livré au bourreau des dizaines de ses employés de la Bibliothèque nationale, qui a livré au bourreau je ne sais combien, 6 000 francs maçons, qui dénonçait les rouges par rapport toutes les semaines à Moritz, adjoint de Knochen. Bon, vous verrez ça, de toute façon, il y en a d'entre vous qui savent ça. Voilà, c'est ça la réalité. Est-ce qu'elle est dissible ? Non. Elle est tellement peu dissible que, et je comme on n'a pas plus beaucoup de temps, je tiens quand même à vous prendre pour témoin. Il faut que vous sachiez que l'exposition sur la collaboration 1940-1945, dont il va être très probablement fait un grand cas médiatique, et qui se tient dans le Saint des Saints, où j'ai passé une grande partie de ma vie, c'est-à-dire aux Archives nationales parisiennes. Maintenant, je suis à Pierrefitte. Bon, mais cette exposition est une exposition qui illustre ce qui était dit à propos de Gaucher. Nous avons aujourd'hui une clique qui profite à l'université des primes exceptionnelles. Car je dois dire que tous ceux qui pensent bien profitent des primes exceptionnelles, qui se sont acharnés contre l'université en 2008 et 2009, qui ont accepté toutes les réformes. Écoutez, moi j'ai fait 26 ans d'université, je n'ai jamais vu de résistance à l'université. J'en ai eu parce qu'on s'est retrouvé dans des manifs par-ci, par-là. Mais il n'y a pas de résistance globale. Toutes les réformes ont été acceptées. La corporation, et je dois dire que c'est... Il y a une raison. Il y a une raison qui fait que le secondaire a mieux résisté. C'est que le secondaire, il avait le statut de la fonction publique et des cadres. Que vous n'aviez pas intérêt à écrabouiller votre voisin, parce que de toute façon, on s'en fiche, c'est pas ça qui vous apportait votre promotion. En revanche, à l'université, les carrières ne se font pas sur la valeur établie par le CAPES, l'agrégation, vous voyez, et autres mérites. Elle se fait une fois que la thèse a été agréée, il y aurait beaucoup à dire, puisque c'est un principe, comme vous le savez, d'auto-recrutement. Elle se fait par bien d'autres choses, par le fait qu'il faut penser comme il faut pour avoir accès aux articles universitaires. Il faut penser comme il faut pour passer chez Gallimard. Il faut penser comme il faut pour être agréé par les auteurs de collections. Bien entendu, vous instituez là un univers du sans-droit qui, dans une période de malthusianisme comme celle qui a caractérisé les 30 dernières années et qui devient dramatique, les autres intervenants l'ont dit, vous entrez dans un processus où il n'y a plus de règles, où il n'y a plus de droits, il n'y en a finalement que pour ceux qui se plient aux carrières. Tout à l'heure, mon collègue a expliqué que beaucoup de gens ne prenaient pas de risques. Je suis persuadée que leur signature, que beaucoup de gens n'ont pas signé à cause des risques. C'est vrai, parce que l'université est faite de gens qui se demandent s'ils ont bien tenu leur cuillère, leur fourchette et leur couteau, s'ils n'ont pas mis les doigts dans le potage, parce que s'ils l'ont fait, la carrière est quand même très gravement mise en cause. Mais il faut le dire, et il faut le dire parce que c'est vrai que, comme l'avait très bien compris pour le secondaire Diana Pinto, il y a 30 ans, il y aura l'année prochaine 30 ans, on a institué une situation qui fait que, pouvez-vous me trouver un doctorant qui va décider de creuser sur la synarchie ? Il n'y en a pas. Et moi, je peux vous jurer que la synarchie, elle existe. Parce que ce n'est pas 100 documents, c'est des milliers de documents que je vois. Des enquêtes de police, des enquêtes de magistrature. Et mon petit collègue d'art, il viendra m'expliquer que les procès de haute cour, des ministres de Vichy, qui n'ont pas porté d'abord au départ sur la collaboration, qui ont porté sur l'intelligence avec l'ennemi et le complot de la synarchie. Tout ça n'existe pas, puisque les collègues m'ont dit, vous voulez un doctorant ? Je peux vous le dire, moi j'ai eu une étudiante qui est allée travailler, parce que j'avais pris ma retraite, sur la question, vous savez ce qu'elle s'est fait dire par son directeur de recherche ? Il n'y a que la Croix-Rousse qui croit à la synarchie, on va bien réussir à vous convaincre qu'elle n'existe pas. Je dois vous dire, 4 ans après, ils l'ont convaincue. Ils l'ont convaincue, elle a eu une bourse, elle a échappé au secondaire, et si elle fait un pack traviole, elle ne sera pas à la rue, hein, elle va pouvoir réintégrer le secondaire. Voilà comment les choses se passent, et voilà pourquoi. Vous allez voir une exposition, je vous conseille vivement de l'aller voir, dans laquelle, oh, il y a des beaux documents, il y en a quelques-uns. Hein. Vous allez vous indigner des horreurs commises par les salopards avérés, Doriot, Déa, Darnan, donc tout ça, Laval. Vous apprendrez quel est leur lien organique avec le grand capital dans l'entre-deux-guerres. Vous apprendrez que Darnan est le chef de la cagoule niçoise. Vous l'apprendrez, ça. Vous apprendrez comment ces gens, à partir des années 1920 et de manière définitive, depuis 1934, ont établi un programme fasciste que, ça tombe bien, la défaite leur a permis de mettre en œuvre. Et comment ils ont préparé la défaite? C'est de l'idéologie? Eh bien, allons voir les archives. Alors, vous allez voir les salopards. Et puis, vous allez voir 4-5 petites choses. Là, ça fait 15-5 pages dans le bouquin. Il est question de Synarque. C'est qui, ceux-là? On ne sait pas. Hein? On ne sait pas. Figurez-vous que les fonctionnaires des finances se sont ralliés à la collaboration d'État. C'est-à-dire que l'exposition, elle a plus de 20 ans d'âge. Non, ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. Et comment se fait la chose pour qu'on sache comment se font les carrières? Alors, il y a l'exposition et puis il y a aussi la bibliographie. Alors, la bibliographie, elle est précédée par des remerciements. Et puis des remerciements avec, après, les historiens qui ont compté. Ça tombe bien, c'est les copains de ceux qui ont été priés de préparer l'exposition. Et notamment de mon collègue Péchanski, qui, dans Libération, pour la énième fois, m'a attaqué nommément en disant que je racontais n'importe quoi, notamment sur le cyclone B. Ah, je dois vous le dire, d'ailleurs, une photo du cyclone B et des ouvriers avec les masques à gaz à Villers-Saint-Sépulcre devant les bonbonnes de cyclone B, ça vous verrez pas, hein, parce qu'il paraît que le centre de documentation juive contemporaine a été très sollicité, mais il n'a pas remis les documents que moi je lui avais remis gracieusement au nom des fils copies, de l'ingénieur copie, qui a, en 1942, pris une multitude de photos parce qu'il s'est demandé pourquoi on fabriquait tout d'un coup autant de cyclones B, dont chacun connaissait l'utilisation technique, puisque c'était un produit qu'on utilisait pour la dératisation et l'élimination de vermine, ce qui était très intéressant à Villers-Saint-Sépulcre, puisque la région de la Somme est une région de minoterie, une région... de sucreries, enfin vous voyez, d'usines dans lesquelles il y a beaucoup de rats, tout ça c'est très bien pour les rats. Et donc, on est, je vous cite mon cas, mais bien entendu pas du tout pour vous faire pleurer sur mon sort, on est dans une situation où une bande de copains peut mettre dans une bibliographie, en histoire économique, un lot de gens qui vilipendent une recherche dont ça n'est pas de chance, les lecteurs ne pourront pas connaître la réalité parce que la pauvre malheureuse qui a établi ses recherches au bout de décennies de travaux, eh ben, elle ne figure pas dans la bibliographie. Et voilà comment tout fonctionne. Je ne viens pas ici confier le cas de la pauvre petite Laquaris. Je viens confier le cas des gens qui disent non, quand ils sont un certain nombre. Et c'est le cas, mon collègue a très bien fait, il a remarqué que les historiens de la Révolution française, dont une partie semble se réveiller de, non seulement de la torpeur, mais je dirais de la gangue réactionnaire qui les a envahis pendant 15 ou 20 ans, ses collègues commencent à redresser la tête et il y a en histoire de la Révolution française quelques intervenants qui commencent à parler fort parce qu'ils sont plusieurs. À partir du moment où on est plusieurs, ma foi, la réduction au silence, bien sûr, devient la réduction au silence arrive, la réduction au silence devient difficile. Il faut être un collectif et je viens vous confier mon affaire parce que je dois vous dire que mon sommeil a été très perturbé depuis que je me suis aperçu de ce qu'on avait osé donner au public français. Les Archives nationales, c'est une exposition qui vaut pour 40 ans d'historiographie sur l'occupation et la collaboration. C'est-à-dire une exposition par laquelle, à cause de laquelle, le peuple français ne saura pas que le grand capital français, que le grand capital financier a enserré la France dans un étau, qu'il est responsable de la défaite, qu'il est responsable du sort abominable de la population française et de la perte de la moitié du salaire réel de la population française, pas seulement les Allemands, et de la perte en moyenne de 10 à 12 kilos des employés et des ouvriers, parce que le lien, d'une part, entre le grand capital et les politiques n'est jamais établi, parce que le lien, d'autre part, entre la collaboration de l'entre-deux-guerres et la collaboration de guerre n'est jamais établi non plus. Autrement dit, puisque l'esprit critique est en train, sous l'effet de la conjoncture, de sortir de sa torpeur, car malgré l'extrême réaction, malgré le caractère extrêmement réactionnaire de la conjoncture, et certainement d'ailleurs une dégradation rapide dans la période à venir, l'esprit critique, et on le voit avec ses jeunes collègues, est en train de reprendre du poil de la bête, et il va en reprendre. Et par conséquent, il faut bien mettre en avant le fait que la solution n'est pas individuelle. La solution, je ne parle ici que d'académie. La solution académique est une solution collective. Il faut que les jeunes collègues se fassent connaître, se connaissent eux-mêmes et, ma foi, se mettent en mesure de faire que leur ras-le-bol, leur indignation ne soit pas dans une situation où ils sortent un petit peu comme ça en juillet-août. Parce que voilà, l'un d'entre eux a la chance un jour de trouver le relais d'un journaliste, mais il faut aussi qu'ils se battent pour que on puisse refaire de l'histoire correctement, avec des sources, sans avoir à passer par le critère du satisfecit des gens qui nous gouvernent et des gens qui gouvernent ceux qui nous gouvernent. Donc, comme j'ai dû atteindre mes deux minutes fatidiques, voilà, justement. Et bien entendu, j'essaierai par les listes, je l'ai fait à mon syndicat, de faire connaître de quoi il retourne et, ma foi, qui me semble mériter réaction collective, toute réaction collective contre la chape de plomb sur l'histoire dans ce pays est une excellente chose. Et à voir mes jeunes collègues aujourd'hui, je suis encore plus optimiste sur l'avenir que je n'étais. Merci.